comme chaque vendredi, La Fabrique de l'Histoire, une émission avec un regard historique sur l'actualité. Aujourd'hui, actualité des commémorations, actualité des publications d'histoire. Aujourd'hui, en première partie de cette émission, nous parlerons de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale avec son directeur général, Joseph Zimet, au surlendemain de l'inauguration par le président de la République du musée Clémenceau rénové à Mouilleron-Saint-Germain en Vendée. Vous avez tous appris comme moi qu'il y avait auparavant un Mouilleron en Paris. Maintenant, ça s'appelle Mouilleron-Saint-Germain. En deuxième partie, nous recevrons l'historienne Claudia Moatti pour l'ouvrage collectif qu'elle a co-dirigé avec Michel Rio-Sarcé, Pourquoi se référer au passé, aux éditions de l'Atelier, mais aussi pour sa réflexion sur la Res Publica Romaine, Res Publica, histoire romaine de la chose publique, qui vient tout juste de paraître chez Fayard. Puis à la toute fin de cette émission, comme chaque vendredi, notre rubrique C'était à la une, avec le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France, Retro News. Aujourd'hui, Elsa Dupuis nous lira un extrait de la Gazette Nationale d'août 1789 qui rendait compte d'une certaine nuit du 4 août 1789. Galafold Party present. Arms! Bonjour Joseph Zimet. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ouvrir cette émission de ce vendredi. Vous êtes directeur général de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale depuis 2012, c'est cela ? Tout à Donc fait. Deux ans avant le début de cette commémoration de 2014. Et nous arrivons bientôt au terme de cette commémoration de plus de 4 ans autour de la Première Guerre mondiale. On vient d'entendre, on entend encore d'ailleurs cet appel aux morts, donc qui a retenti au petit matin. C'était le 25 avril dernier à Villers-Bretonneux. Pourquoi Villers-Bretonneux et qui était rassemblé dans cet endroit, dans cet endroit qui dit beaucoup à d'autres que des Français d'ailleurs. Oui, tout à fait. Villers-Bretonneux, c'est un petit village à 17 km à l'est d'Amiens. Villers-Bretonneux, c'est un nom qui est plus connu en Australie qu'en France. En France, il est connu par quelques Picards, des habitants d'Amiens. C'est là que se déroule le mythe fondateur de la nation australienne. Villers-Bretonneux, c'est une bataille d'avril de 1918 où les Australiens, les armées australiennes, conduites par un général assez brillant, John Monash, vont arrêter les Allemands dans leur marche sur Amiens. Ce qui est étonnant, c'est la présence le 25 avril de 8000 au petit matin, parce que ce qu'on n'entend pas, c'est qu'on est en pleine nuit là. On n'a ni l'obscurité, ni le froid ce qui explique sans doute les quelques canards du clairon mais ce qu'il faut voir, c'est la très très grande ferveur de ces 8000 personnes en présence de leur premier ministre venu des Antipodes pour commémorer avec notre premier ministre le mythe fondateur. Villers-Bretonneux, c'est le dimanche de Bouvines des Australiens, voilà, tout simplement. Mm-hmm. Et c'est un très bon exemple de ce que le centenaire a proposé pendant au cours de ces dernières années. Vous avez le même phénomène l'an dernier avec Justin Trudeau à Vimy. Mmh. Ils étaient 23 000 dans le Pas-de-Calais. Donc cette date, c'est un autre moment fondateur. Là, c'est pour la nation canadienne. Ce sont ces nations de pays du Commonwealth qui accouchent d'elles-mêmes quelque part, qui accèdent à la reconnaissance internationale, c'est ces moments dans ces combats qui ont été choisis, orchestrés, structurés par le politique, qui sont l'accession à la souveraineté internationale d'un certain nombre de ces pays. C'est le cas également pour les Irlandais, les Sud-Africains, se reconnaissent aussi des combats d'Elville Wood, à Longueval. Tout ça s'est joué dans la Somme, en Picardie, dans les Hauts-de-France, entre 14 et 18, ce qui explique la présence très importante de public, d'autorités et de chefs d'État et de gouvernement depuis 4 ans sur notre sol. Oui, alors ce qui est le plus étonnant peut-être, et vous l'aviez annoncé avec tous ceux qui préparaient ce centenaire il y a maintenant presque 4 ans, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est de voir qu'effectivement un centenaire d'une première guerre, certes mondiale, mais qui s'est déroulée sur le territoire, en grande partie sur le territoire français, soit aussi international d'une certaine façon. Et c'est vrai que la promesse a été tenue. On a vu des cérémonies tout au long de ces années avec des puissances étrangères qui venaient en France, des touristes, énormément de touristes étrangers qui sont venus sur les champs de bataille, descendants de militaires qui avaient fait la Première Guerre mondiale. Et là, on peut dire effectivement qu'il y a eu un changement d'échelle dans ce rapport justement à la commémoration de la Première Guerre mondiale, Joseph Zimet. Oui, je crois. Voilà, il y a trois composantes qui expliquent la vitalité et surtout la longévité de ce centenaire. C'est évidemment le fait que la mémoire de 14-18 est un phénomène social ancré dans le souvenir familial et territorial des Français et qui a été constamment réactivé à travers les pratiques généalogiques, à travers des récits quotidiens, des récits familiaux. C'est ça qui est mise en scène par la commémoration. La deuxième composante, c'est la dimension internationale qui a surpris. Nous savions, ils viennent chaque année. Les premiers mémoriaux de ces pays sont érigés dès le lendemain de la Grande Guerre. Ouais. Les premiers, c'est un mémorial nord-irlandais. Les anciens de la 36e division d'Ulster vont ouvrir la Ulster Tower dans la Somme. Mais je dirais que là, on a changé d'échelle et la présence pour cet anniversaire exceptionnel, c'est ce centenaire des chefs d'État et de gouvernement, comme si tout d'un coup, on avait pris conscience. Et puis les grandes cérémonies, 23 000 Canadiens, 8 000 Australiens, Verdun, la Somme, 10 000 Britanniques et nations invitées du Commonwealth le 1er juillet 2016, a mobilisé les médias. C'est ce qui explique donc le changement d'échelle, mais aussi la durée. La grande question qu'on nous posait en 2014, c'est mais comment est-ce que vous avez vraiment commémoré pendant 4 ans ? Oui, parce qu'au début, il faut se souvenir qu'il y avait une hésitation sur la commémoration. Au tout début, cette commémoration devait se centrer, on devait rassembler l'ensemble de la commémoration des 4 années de guerre sur l'année 1914. J'ai commis une erreur. J'avais emprunté à Jean-Noël Jeannet son modèle du bicentenaire. Mmh. J'en ai encore parlé avec lui avant-hier lorsque nous étions ensemble en Vendée. Et j'avais théorisé à tort un tout 14-18 en 14, pensant qu'il fallait vraiment arrêter. J'ai été surpris. C'est-à-dire qu'en 15, il y a eu un petit creux. Et en 16, c'est remonté très fort avec la Somme et Verdun. En 17, on pensait que ce serait une année de transition avec l'élection présidentielle. On a eu 300 000 personnes pour accueillir des Américains à Saint-Nazaire. On a eu le chemin des dames. Et 18, je savais que 18, on remettrait le couvert, si vous permettez cette expression, comme en 14, mais j'avais pas pensé que la société française resterait mobilisée entre 14 et 18. Donc on a changé de modèle en cours de route. Vous savez, la politique de mémoire, elle est plastique. C'est un outil politique, donc elle doit pouvoir s'adapter. Et donc on a changé de modèle, mais c'est vrai que je me suis trompé. Elle doit s'adapter aussi aux différentes présidences, puisque vous avez connu 3 présidents en quelques années, en l'occurrence. Et le dernier d'entre eux, donc Emmanuel Macron, était avec vous, et vous l'avez dit avec Jean-Noël Jeannet et bien d'autres, à Mouilleron-Saint-Germain, donc ce lieu qui s'appelait auparavant Mouilleron-en-Paray, qu'on connaissait pour être le lieu de naissance de 2 grands hommes du XXe siècle, à savoir le maréchal de Lattre et Georges Clémenceau. Mais la particularité, c'était de mettre l'accent, évidemment, sur Clémenceau, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, avait voulu insister sur la figure de Clémenceau comme étant cette figure de la fin de la Première Guerre mondiale et en particulier de ce qu'on a appelé le dernier quart d'heure. Écoutez, oui, Clémenceau, c'est une figure incontournable de cette année 18. De toute façon, on serait tombé dessus. Hein. On peut pas éviter Clémenceau quand on commémore. On peut éviter Foch et Joffre et Poincaré et bien d'autres et Pétain éviter, sans doute et Nivelle. Et voilà. Mais Clémenceau, c'est difficile. C'est l'homme du dernier quart d'heure, c'est l'homme du sursaut, c'est l'homme qui a remobilisé dans un moment d'épuisement, de doute. Hein. Voilà. Alors. Le président de la République nous a demandé dans cette année 18, effectivement, une année Clémenceau, qui est l'une des 3 composantes de cette dernière année, avec l'itinérance qu'il effectuera en novembre, et puis ces grandes cérémonies qu'on aura à Paris, en province, autour du 11 novembre. Mais cette année, Clémenceau, il l'a lancé le 11 novembre dernier par une présence assez longue au musée Clémenceau de la rue Franklin, à Paris. Mmh. Hier, c'était le deuxième acte avec, effectivement, cette immersion vendéenne. Car ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est que, la Vendée, pour Clémenceau, c'est comme le Tarn de Jaurès. C'est extrêmement important. Ce n'est pas simplement sa terre natale, son pays natal. Il y a une saga clémenciste qui se déploie en Vendée. Et qui est distincte des sagas nationales. Royale. Oui, qui est différente parce qu'elle est, y a un roman vendéen. D'abord, les Clémenceaux, ils partagent avec la famille Delattre ce gros bourg vendéen qui est Mouilleron en Parais. C'est l'histoire des catholiques et des protestants. C'est l'histoire des légitimistes et des républicains. Donc, c'est l'histoire des deux France. Ça frotte. En 1906, Clémenceau, ministre de l'Intérieur, se voit refuser l'accès à la mairie. Et puis, en 1918, il est devenu le père Lavictoire. Le conseil municipal, qui est aux mains des Delattre, va rebaptiser la rue La Chapelle en rue Clémenceau. Et puis, en 21, il y a cette réconciliation entre les deux clans autour du monument aux morts, l'un des seuls monuments aux morts qui a été inauguré par Clémenceau en octobre 1921. Clémenceau est là. Il fait venir le jeune capitaine Delattre qui s'apprête à partir au Maroc, qui a fait une belle guerre. Et c'est la réconciliation des deux clans patriciens qui tiennent ce village. Les Delattre sont maires de Mouilleron depuis 1817. Et ils tiendront, entre guillemets, le conseil municipal jusqu'en 1977. Et en 21, c'est aussi la réconciliation de la Vendée avec la République. C'est pour ça que Mouilleron est hautement symbolique. C'est pour ça que François Mitterrand s'y est rendu. Et c'est sans doute cela aussi qu'Emmanuel Macron, le président de tous les Français aussi, se rend en Vendée. Donc c'est encore une fois l'histoire des deux France aussi à travers Clémenceau en Vendée. Mais je vous le disais, les clémencistes de Paris et les clémencistes de Vendée ne se connaissent pas forcément. Voilà. Et donc ce Clémenceau de Vendée est sans doute insuffisamment connu. Il y aura un troisième acte Clémenceau d'ici Il y aura un troisième acte plus patrimonial puisqu'il y a trois grandes expositions qui sont en développement. Il y aura à l'Orangerie, à l'automne, une très belle exposition sur Clémenceau Monet, évidemment, avec les nymphéas, le don des nymphéas à la République et l'écrin que Clémenceau a offert à son ami Monet, qui est intact, qui est enfin, tout à fait sublime et qui est une très très belle histoire. Et ça aussi, c'est Clémenceau et les arts, hein, un autre Clémenceau. Il y aura une grande exposition au Panthéon, également, consacrée à Clémenceau. Clémenceau n'entrera vraisemblablement pas au Panthéon, comme vous le savez, mais il y sera présent à travers cette exposition. Et puis l'Assemblée nationale veut également lui rendre hommage. Donc il y a beaucoup de productions culturelles en cours pour animer cette année Clémenceau. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un homme politique, certes baptisé Père Lavictoire, est un homme politique qui a éclipsé les généraux qui étaient à sa main, qui étaient juste à côté de lui, et en particulier le général Mordac, dont personne ne se souvient plus, sauf peut-être la mission du centenaire, qui est un personnage assez étonnant et qui était une sorte de double de Clémenceau dont aucun Français n'a connaissance même de l'existence aujourd'hui. Non, c'est le chef de cabinet militaire. Il n'est pas d'usage que les collaborateurs, les chefs militaires qui conduisent la guerre, normalement, c'est Foch. C'est quelqu'un qui replonge dans une longue histoire de la République, puisqu'il était le chef d'état-major du général Picard. Général Picard lui-même, qui était embringué du bon côté de l'affaire Dreyfus, dont on parlait hier avec nos invités, avec Clémenceau. Donc il y a quand même une histoire très intéressante. Vous avez parfaitement raison. Il faut lire Mordac. Il faut un peu chercher sur Internet pour trouver. Je ne crois pas que ses mémoires ont été rééditées. Et je pense que c'est la meilleure invitation pour découvrir le Clémenceau de guerre. Ce sont les mémoires du général Mordac, son chef de cabinet militaire. Vous avez parfaitement raison. Alors, vous parliez tout à l'heure d'une itinérance du président de la République. Il sera seul. Comment cela se passera-t-il? C'est en novembre, et ça sera juste avant la conclusion, pourrait-on dire, de cette commémoration solennelle, donc le 11 novembre 18 à Paris. Qu'est-ce que cette itinérance et qu'est-ce qu'on va y faire sur ces champs de bataille en se promenant, d'après ce que j'ai cru comprendre, avec le président de la République, Poussant? Écoutez, effectivement, c'est le deuxième élément de cette année 18 que le président de la République nous a demandé de concevoir. Et je dois vous avouer que c'est un projet très original, sans doute parfaitement inédit, qui consiste à reparcourir les territoires meurtris par la Grande Guerre. Alors, tous les territoires ont été meurtris, puisque les prélèvements sur démographiques ont été absolument, évidemment, considérables. Hein. La Grande Guerre, c'est, il faut le rappeler, 1 400 000 morts tués, 8 millions de soldats mobilisés. Et donc, la guerre, elle se déploie partout. Pour autant, certains territoires ont eu en plus, si je puis dire, la double peine, c'est-à-dire qu'ils ont été parfois occupés, parfois durement, ils ont été dévastés, ravagés. Le Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, mais la Lorraine, l'Alsace. Enfin, chaque département, certains départements comme les Ardennes, ont été occupés de septembre 14 à novembre 18. On ne se rend pas compte. D'ailleurs, on ne comprend pas l'occupation et l'exode de 40 et la souffrance des populations pendant la Grande Guerre si on ne se remémore pas le régime d'occupation allemande dans le nord, à Lille par exemple. On a des images qu'on va redécouvrir qui sont tout à fait saisissantes, sans parler de l'Alsace-Moselle évidemment. Alors, le président a eu cette idée. Je suis au regret de vous dire, c'est pas la mission du centenaire, malheureusement, c'est le président. Mais on est très heureux de le mettre en œuvre. C'est très original. C'est l'idée aussi qu'il y a encore une résonance aujourd'hui contemporaine de ces cicatrices, de ces blessures dans les territoires. Moi, j'ai découvert la mémoire de la Grande Guerre dans ce travail, et je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je me déplace chaque semaine dans la Somme, dans l'Oise, en Moselle, dans les Ardennes, partout dans les Hauts-de-France et dans Grand Est. Et les populations, elles portent encore ce souvenir dans leur chair, dans leur cœur, dans leur village, dans leur famille. C'est encore très présent. C'est sans doute ça la spécificité de ce qu'on appelle le champ de bataille ou les départements du front. À Paris, la Grande Guerre, elle est un petit peu loin, elle est dans des plaques, mais dans ces régions, dans ces territoires, elle est inscrite au quotidien dans les croix, les paysages, les cimetières, les mémoriaux, mais aussi dans les mémoires familiales. Ce qui fait que quand on dit dans certaines de ces régions que la réconciliation franco-allemande a déjà plus de 60 ans, on l'entend, mais on entend aussi parfois des voix légèrement dissonantes qui rappellent qu'effectivement le prélèvement humain sur ces régions a été considérable, et que pourquoi faudrait-il toujours, au nom de cette réconciliation franco-allemande, refaire le monument, repayer pour ceux qui sont morts, et qui sont morts parce qu'ils étaient les agresseurs, dit-on dans certains endroits. Écoutez, la réconciliation, c'est pas l'oubli, effectivement. Mais je crois qu'aujourd'hui, enfin, moi, j'ai pu constater dans les endroits où cette mémoire est la plus sensible, comme à Verdun, le drapeau allemand flotte depuis maintenant plusieurs années sur le fort de Douaumont. Vous le savez, Angela Merkel et François Hollande ont fait inscrire dans la pierre de l'ossuaire de Douaumont, le fait qu'il y a sous l'ossuaire, qui est quand même le monument le plus emblématique de la mémoire française de la Grande Guerre, des corps, des ossements allemands. Verdun est un champ de bataille franco-allemand. La rénovation du mémorial de Verdun en musée franco-allemand en dit long. Le Hartmannswillerkopf plus récemment. Donc on est rentré dans un régime de souvenirs partagés, de mémoire partagée franco-allemande. Mais pour autant, ça ne signifie pas l'oubli. Et cette itinérance dont vous parlez du président de la République pendant quelques jours au mois de novembre me fait penser à la balade nationale. Vous savez que pour ouvrir la collection d'histoire de France en bande dessinée, Sylvain Venner et Étienne Davodeau ont fait une balade nationale où on voit monter dans un van contemporain Michelet, Jeanne d'Arc et bien d'autres qui vont connaître le territoire comme les deux enfants ont pu connaître le territoire après la défaite de 1870, et c'est vrai qu'il y a cette dimension géographique à la commémoration d'une histoire, Joseph Zimet. Oui, bon, d'abord, je l'ai dit à un de vos confrères, le président de la République, il a cette particularité d'être né sur ce champ de bataille, et je pense que sans doute, il est sensible à ces symboles. Il est né à Amiens. Amiens, c'est quand même une terre marquée par ces destructions, ces désolations, ces morts, ces croix. Voilà. Il va parcourir des hauts lieux. Il ne fera pas que de la mémoire. Il veut aussi parler des problèmes d'aujourd'hui. Et je pense que c'est une de ses préoccupations, c'est de pas être enfermé dans une fonction trop commémoratrice. Il va, et c'est très symbolique, de reparcourir un certain nombre de hauts lieux de la mémoire de la Grande Guerre à la veille du 11 novembre. Mais il veut faire autre chose, il veut aussi parler des problèmes d'aujourd'hui. Et donc, pour cela, il y aura 100 chefs d'État réunis le 11 novembre à Paris, 100 chefs d'État et de gouvernement. C'est une question, parce que on parlera un peu du front d'Orient, ou est-ce qu'il sera tellement loin qu'on l'aura un peu oublié, ce front d'Orient, Joseph Zimet? Non, on parlera du front d'Orient, mais on va parler... Parce que la guerre continuera... La guerre continue. Et c'est une des grandes préoccupations de notre conseil scientifique, qui est, vous le savez, composé de tous les meilleurs spécialistes de la Grande Guerre, français et étrangers, c'est de bien montrer cette année que le 11 novembre, c'est pas la fin de la guerre. Le 11 novembre, c'est l'arrêt des combats sur le front de l'Ouest. Le front de l'Ouest, c'est une petite partie de cette guerre. On ne peut pas commémorer une guerre mondiale avec tous les continents et continuer à faire comme si ça avait été une guerre franco-allemande. Donc le grand défi pour nous, c'est d'aller un petit peu contre les manuels d'histoire qui nous ont fait un petit peu la grande victoire patriotique du 11 novembre. Il faut élargir, il faut retrouver cette notion des sorties de guerre sur laquelle travaillent les historiens. Il y a ce livre tout à fait remarquable de l'historien irlandais Robert Gerwardt, Les Vaincus, qui permet de redéployer la chronologie. On n'est plus dans 14-18, là on est dans 17-23, c'est-à-dire le retrait russe jusqu'au traité de Lausanne. C'est-à-dire... Il faut se souvenir que sur certains monument aux morts en Grèce, la guerre commence en 1912, voilà, puisque ce sont les guerres balkaniques, et se termine en 1923. Vous avez raison. La véritable chronologie de la Grande Guerre, c'est 12-23, c'est-à-dire des guerres balkaniques ou des premières émeutes irlandaises, jusqu'au traité de Lausanne, qui défait c'est le premier traité révisionniste, mais qui règle, c'est l'un des règlements un peu durables sur lesquels d'ailleurs on vit encore aujourd'hui, l'effondrement de l'Empire ottoman. Il faut absolument retrouver cette notion qu'il y a des combats après le 11 novembre 18, on combat partout en Europe, dans les pays baltes, en Pologne, en Russie. En Russie, il y a des conflits partout, dans l'espace soviétique. C'est très très important de comprendre ça. Il faut réhistoriciser ce temps mémoriel. Et le président a voulu, vous le savez, organiser ce forum de Paris, juste après les cérémonies du 11, où nous allons accueillir effectivement le monde entier, plus de 117 dignitaires étrangers, puisqu'il y aura aussi les présidents d'organisations internationales qui ont un lien avec la Grande Guerre, Nations Unies, Croix-Rouge internationale, etc. Le président a souhaité l'organisation du forum de Paris, une espèce de Davos de la gouvernance mondiale, pour parler des grands sujets de la mondialisation. Et faire de Paris un lieu de proposition l'essai de redéfinition d'une architecture internationale qui est aujourd'hui un petit peu à la peine en Europe et dans le monde. Et donc on voit bien cette préoccupation, la composante mémorielle et la composante contemporaine. Oui, alors il y avait donc volonté au départ de tout rassembler sur l'année 14, puis on l'a vu, ça continue jusqu'en 18. Ça va continuer jusqu'à quand, cette commémoration centenaire de la Première Guerre mondiale? Parce que à la limite, vous pourriez dire, allons jusqu'en 23. Non, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Il n'y a pas besoin d'une mission interministérielle avec des moyens un petit peu exceptionnels qui nous ont été accordés depuis 2012. Il faut s'arrêter. La mission, elle va s'arrêter fort opportunément avant les traités, ou pendant les traités. Avant la commémoration des traités, tout à fait. Ça nous permettra d'éviter cet objet mémoriel et diplomatique complexe. La mission s'arrêtera autour de l'été 19. Avec des nations européennes du centre de l'Europe qui maintenant remettent en cause le traité de Trianon. Non, et qui sont pourtant dans la même communauté économique et politique qui est la nôtre, en l'occurrence. Et on s'aperçoit effectivement que cette histoire n'est pas terminée pour certaines des populations, Joseph Zimet. Et c'est ça peut-être qui est important. La Grande Guerre, quelque part, n'est pas terminée. Elle ressurgit. Il y a à nouveau une renationalisation, même parfois, de historiographique que nous observons attentivement. Et comment on fait justement face à ça? Parce que c'est vrai que nous étions il y a peu de temps à Prague pour une série d'émissions et on s'est aperçu avec des Polonais, des Hongrois, des Tchèques, des Slovaques, etc., combien c'était délicat de refaire même de la science avec des visions des sciences qui étaient maintenant un tout petit peu différentes selon que l'on se retrouvait soit en Pologne, soit à Prague, soit à Varsovie et soit à Paris. C'est difficile, on travaille avec nos outils. Il y aura une grande exposition à Paris au Musée de l'Armée à l'automne qui travaillera sur la guerre sans fin, qui montrera ces passions européennes à la fin de la Grande Guerre. Et puis il faut être vigilant sur tout ce qui est publication, colloque, soutien à la production intellectuelle. Il faut faire attention aux récupérations politico-diplomatiques chez nous et là-bas. Il faut aussi balayer devant notre porte, mais effectivement, ce qui se passe à l'Est, en Europe centrale, etc., on y est attentif. Nous sommes très présents. Nous accompagnons nos instituts français, nos ambassades, la communauté scientifique, des chercheurs étrangers. Nous travaillons par exemple beaucoup avec la Slovaquie, avec la République tchèque. Là, nous serons à Darnay, dans les Vosges, le 30 juin. Le président de la République y sera avec les deux premiers ministres. Vous savez, c'est la remise du drapeau tchéco-slovaque, aux légions tchéco-slovaques. Donc là, nous avons une combinaison mémorielle très intéressante. Nous commémorons avec deux pays qui se sont créés au lendemain de la Grande Guerre, donc la République tchèque et la Slovaquie, qui ont divorcé en 93, mais qui se sont reconstitués quelque part pour commémorer ensemble un état défunt. Ça se fait dans un cadre européen et politique ouvert. C'est très intéressant. Ça, c'est plutôt une success story. Mais avec la Hongrie et la Pologne, je vous confirme que c'est plus compliqué, il faut être plus vigilant. Oui, et donc on pourra avoir une sorte de bilan scientifique, comme il y a eu un bilan du bicentenaire pour le bicentenaire de la Révolution française, Joseph Zimet, parce que tout compte fait, le site est très riche, le site de la mission du centenaire, et renvoie effectivement à énormément de manifestations un peu partout, beaucoup de manifestations scientifiques, mais il faudra un jour ou l'autre peut-être voir en quoi ces 4 ou 5 années de commémoration on fait avancer la discipline, on fait avancer les disciplines qui sont intéressées par ces questions-là, que ce soit l'anthropologie, la sociologie historique ou l'histoire. Tout à fait. Alors j'en profite pour vous annoncer qu'il y aura un grand colloque à la Bibliothèque nationale de France au mois de juin 19, où nous tirerons le bilan pluridisciplinaire de cette commémoration, les nouveaux rites, nouveaux publics, nouvelles disciplines, le champ culturel, le champ pédagogique, tout ça sera regardé. Nous allons verser nos archives. J'espère que des légions d'étudiants en master, en thèse, etc. se jetteront sur les archives nationales et départementales. Il y aura le bilan institutionnel fait par la mission et ensuite il y aura le bilan qui sera fait par les chercheurs qui se battront sur notre héritage et qui nous diront si nous avons réussi, échoué et quels enseignements doivent être tirés de ce phénomène commémoratif qui n'a d'égal pour l'instant que le bicentenaire. Les historiens sont déjà l'arme au pied pour sauter sur nos archives et j'espère qu'ils seront au rendez-vous. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter à l'échelon. Il y a le centenaire d'en haut, vous savez, et il y a le centenaire d'en bas. Mmh. Et il va falloir aller regarder et parcourir ce qui s'est passé dans les départements, dans les régions, y compris à l'arrière. Il y aura, je suis sûr, des monographies départementales tout à fait passionnantes. Ça, c'est sans doute une lame de fond de 10-15 ans que nous allons encourager, mais qui se fera sans nous. Voilà. Merci beaucoup, Joseph Zimet. Merci à vous. Puisque vous connaissez tout sur ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale et par les acteurs qui ont joué cette Première Guerre mondiale, vous savez sûrement que Georges Clemenceau avait écrit une chinoiserie qui s'appelait Le voile du bonheur. On en écoute un extrait. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Le voile du bonheur, écrit par Georges Clemenceau avec un comparse qui n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Gabriel Fauré dans une interprétation de l'Orchestre de Paris dirigé par Julien Masmondé. C'était enregistré au Musée Guimet en 2014. Bonjour Claudia Moati. Bonjour. Vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt ce que disait Joseph Zimet sur la commémoration de ce centenaire de la Première Guerre mondiale parce que vous êtes intéressé par la façon dont on parle du passé, vous et pas simplement vous. Vous avez coordonné donc en tant qu'historienne avec Michel Rio-Sarcet, un livre qui est paru au tout début de cette année, qui faisait suite d'ailleurs à une réflexion précédente sur la République dans tous ses états, c'était dans 2009, livre collectif dans lequel on peut trouver des signatures qu'on connaît bien ici à la Fabrique de l'Histoire, Nicole Edelman, de Ludivine Montigny ou encore Déborah Cohen, Quentin Deluermoz et d'autres, Laurent Colantonio, qui réfléchissent à cette question de la référence au passé. Alors la référence, ça n'est pas forcément la commémoration. Expliquez-vous, qu'est-ce que se référer au passé, Claudia Moati, vous êtes spécialiste de la Rome antique, on y reviendra tout à l'heure avec vous. Qu'est-ce que se référer au passé? Pourquoi utiliser ce terme de référence qui n'est pas exactement la même chose que la commémoration? Oui, c'est plutôt l'inverse de la commémoration. C'est la référence au passé, on pourrait dire, c'est la remémoration du passé, c'est-à-dire la façon dont, dans le moment, dans le mouvement de l'histoire, dans l'action politique, une expérience du passé ressurgit de manière plus ou moins consciente pour être réactivée. Et pour et donner lieu à l'action, pour faire quoi? Justement, comme moteur de l'action ou comme moteur de pensée. Prenons un exemple qui est un exemple tout simple. En 1924, les députés antifascistes se réfugient sur l'Aventin. Et par ce geste-là, pour protester évidemment contre Mussolini, et par ce geste-là, par ce simple geste-là, il réactive le caractère révolutionnaire de l'expérience des plébéiens du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors ils ne sont pas dans la commémoration, ils ne sont pas non plus dans un usage du passé. Ce n'est pas une posture de comparaison avec le passé, ce n'est pas une posture généalogique, ils ne s'inscrivent pas dans une tradition, ils ne cherchent pas à légitimer leur action, mais simplement ce passé ressurgit comme étant doté, et c'est cela qui est intéressant, d'une potentialité pour le présent et pour le futur. Mmh. C'est-à-dire ce qui ressurgit, ce n'est pas le passé tel qu'il fut, mais ce qui était possible dans le passé pour réactiver une, pour activer l'action présente. Comme un moteur, dites-vous, parce que vous avez établi, donc avec ceux et celles qui ont participé à cet ouvrage aux éditions de l'Atelier, pourquoi se référer au passé, plusieurs modes de rapport au passé. Oui. Vous dites, il y a le mode de l'exemplum, celui-là, il est très connu, effectivement, c'est-à-dire avec un passé figé, un sens qui ne donne aucun doute sur le sens du message. On sait que cet exemple, il faut le suivre, et oui, parce ça, que c'est un modèle moral. Un mode généalogique, dites-vous, on s'inscrit dans une tradition, là, il n'y a pas de rupture, la tradition est là présente, ou encore cette façon de regarder le passé, c'est aussi légitimer l'action. Ça, là, c'est quelque chose de très intéressant, puisque c'est la question du télescopage temporel. Et vous dites qu'il y a un quatrième mode, c'est le mode que nous déterminons en parlant de référence au passé. Oui, ces trois modes que nous avons distingués, qui sont des modes d'usage du passé, se définissent par, au fond, la continuité entre le passé et le présent. Il y a une forme de continuité quand on veut imiter le passé, il y a une forme de continuité quand on s'inscrit dans une tradition ou quand on légitime son action par le passé. Prenons l'exemple de Mussolini, là encore, c'est intéressant parce que, se faisant représenter en Auguste, il trouve à la fois une légitimité, mais en même temps, il affirme, comme le montrent les cartes qui étaient placées sur la voie des forums impériaux, où on voit la petite Rome des origines jusqu'à la Rome mussolinienne, eh bien, il se représente dans une continuité par rapport au passé, même s'il fascise l'Antiquité plutôt que le contraire. Alors, la référence au passé, au contraire, se place dans une forme de discontinuité. Ce n'est pas le passé tel qu'il fut, ni tel qu'il peut être imité, mais c'est une étincelle qui ressurgit dans le présent, à la manière de la petite Madeleine de Proust, si vous voulez. Il ne s'agit pas de retrouver le passé tel qu'il fut, mais de retrouver quelque chose du passé qui est utile dans le présent. Voilà, et donc, vous allez chercher pour cela à la fois la pensée de Walter Benjamin, évidemment, et celle de Cornelius Castoriadis, avec cette expression que Castoriadis utilise, le germe. C'est-à-dire, c'est un germe qui, d'un seul coup, alors vous utilisez l'étincelle, c'est un peu la même chose, effectivement, c'est ce qui fait redémarrer une situation contemporaine par cette référence au passé. Oui, alors je pense que la notion de germe est très importante parce que Castoriadis se pose la question de savoir pourquoi se référer à l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ. Eh oui. Et comme il le dit, je voudrais lire... au lendemain des états généraux de l'Antiquité où nous ben étions, oui, et effectivement, et où tout le monde disait, mais voilà, l'Antiquité c'est utile pour aujourd'hui, mais pourquoi c'est utile pour Personne aujourd'hui ? Personne n'arrive à le définir de manière précise, il aurait mieux fait de lire Castoriadis. Alors, précisément, pourquoi je voudrais juste citer ce passage de Cornelius Castoriadis. Nous imitons des paradigmes, des modèles, et nous n'avons pas à imiter Athènes. Mais voilà, nous pouvons peut-être faire quelque chose de ces germes, alors que nous pouvons difficilement faire quelque chose de la politique des empereurs Tang. Alors, les germes, qu'est-ce que c'est ? C'est cet ensemble de possibles que les sociétés se transmettent, au fond, de manière discontinue, mais qui ressurgissent régulièrement à différents moments de l'histoire. Je voudrais citer aussi un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est le livre de Martin Brault, L'expérience plébéienne, qui a été publié en 2013, où il essaye de montrer comment, justement, cette expérience des sécessions plébéiennes du 5e siècle avant notre ère ont été réactualisées jusqu'à la Commune de Paris, à différents moments de l'histoire. On a une façon de retrouver le passé dans des formes qui sont complètement différentes des cadres traditionnels du savoir historique. Oui, alors, et vous, évidemment, on n'est pas très étonné de trouver un des 12 auteurs de l'Histoire des Possibles dans ce livre collectif qui est Quentin de Luermoz, qui justement réfléchit à cette question des possibles de l'histoire. C'est-à-dire, on se replace, on repart et on se dit, mais il y avait tout un tas de possibles et c'est intéressant de voir quels étaient ces possibles parce qu'ils nous permettent d'expliquer pourquoi justement on se réfère aujourd'hui à ces passés-là, parce que justement c'est possible que l'on veut peut-être voir réactiver ou voir réadvenir, Claudia, oui, Moati. Alors, je pense que cette notion de possible doit permettre à l'historien de travailler un peu différemment, en essayant de retrouver, quand il analyse un événement passé ou un ouvrage passé même, de retrouver les constellations de possible de l'époque. C'est-à-dire l'histoire linéaire fige le passé dans un temps précis. L'histoire généalogique, en l'occurrence. L'histoire généalogique fige le passé dans un temps précis. La commémoration fige le passé, même si, par ce travail de la commémoration, elle fait ressurgir des divisions, des tensions, des conflits. Mais l'historien, justement, doit essayer de retrouver ce qui était en germe dans cette dans une période donnée et ce qui a été oublié ensuite, qui par ailleurs peut ressurgir justement à d'autres moments de l'histoire. Et c'est ce que nous appelons au fond travailler sur le mouvement de l'histoire et non pas sur la continuité historique. Et je pense que ce livre apporte une contribution essentielle sur une autre façon d'écrire l'histoire. Et d'ailleurs, il se complète ce livre « Pourquoi se référer au passé » par un autre livre signé de vous seul, Claudia Moati, qui s'intitule « Respublica, histoire romaine de la chose publique », qui est un livre absolument passionnant. Un peu ardu, en tout cas pour quelqu'un comme moi, qui ne connaît pas si bien les arcanes de la Respublica romaine. Vous ne dites jamais la République romaine, vous dites toujours la Respublica, et vous dites même la plupart du temps la chose publique, en prenant au sérieux ce terme de res, qui veut dire chose, effectivement, pour expliquer comment on s'est leurré aussi, et en particulier l'époque moderne et l'époque de la Renaissance s'est leurré en ne voyant qu'une chose dans cette Respublica, alors que vous démontrez dans ces 300 et quelques pages de Respublica combien cette Respublica a été plastique, a changé, a évolué tout au long de la période. Nous, pour nous, la République romaine, c'est la fin des rois et c'est le début du Principat qui le clôt, en fait, le Principat d'Auguste. Et en fait, vous dites, c'est pas vrai du tout. La Respublica, elle est présente, y compris sous l'Empire, y compris auparavant, elle est toujours là, d'une certaine façon, elle dit autre chose que ce qu'on a voulu lui faire dire, Claudia Moati. Oui, précisément, j'ai essayé, là encore, de renverser un peu l'approche de l'Antiquité. C'est-à-dire, au lieu de partir, comme la plupart, d'un républicanisme qu'il s'agirait de redéfinir en partant de l'époque moderne, j'ai essayé de travailler sur la langue. Il est très difficile de retrouver l'origine des choses. Un ancien savant romain qui s'appelle Varron disait que l'origine est de l'ordre de l'adélon, de ce qui est impossible à dévoiler. Mmh. Et donc, ne pouvant pas retrouver l'origine des choses, il faut travailler sur la langue. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette notion, je ne dis pas un concept, mais cette notion de res publica, que j'ai prise littéralement parce qu'elle ne signifie pas la République. Mais oui. Les Romains ne pensaient pas qu'ils vivaient dans une république, et c'est seulement à partir du XVe siècle, à partir de Leonardo Bruni, qu'on commence à penser la res publica comme une république. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Leonardo Bruni, il est chancelier de Florence et il traduit la notion de politia. Donc, voilà, il traduit la notion de politeia d'Aristote en res publica, et vous dites c'est lui qui lance le grand malentendu, parce qu'à partir de ce moment-là, ça conduit à ne voir la République romaine que comme un moment, donc entre l'expulsion des rois et la naissance du Principat. Alors que vous dites, pourquoi une société aussi inégalitaire, avec ses idéaux qui étaient très aristocratiques, a-t-elle gardé cette force d'attraction sur nous pour penser ce qu'on appelle, nous, la liberté républicaine ? Oui, mais il faut revenir, si vous voulez, à cette notion justement de res publica, parce qu'elle structure la pensée romaine. Et elle est spécifique à Rome, elle n'est pas traduisible en grec, par exemple. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça signifie de se référer à une chose ? Res, ça n'est pas pragmata en grec. Voilà, ta pragmata, ta demosia pragmata, c'est la traduction la plus courante de res publica en grec. Mais le pluriel neutre ne traduit pas la notion de chose. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose ? Et c'est ça que j'ai essayé de voir, c'est de retravailler cette notion de chose. Or, qu'est-ce que dit la chose ? D'abord, elle dit l'incomplétude du politique. Elle dit l'indéfini, l'incertitude. Et bien plus que ça, elle dit aussi, cette notion de chose, le fait que c'est à la fois la chose publique, c'est à la fois ce qui est en partage, mais c'est aussi ce qui est en débat, en conflit. C'est-à-dire que dans la notion de res publica, il n'y a pas cette idée d'unité de la nation, l'idée d'une pluralité. Vous allez choquer les républicains français qui pensent effectivement que la République, c'est l'unité, justement. Oui, vous mais dites, précisément, non, la res publica, ça n'est pas l'unité. Toute l'histoire de Rome montre qu'on est dans le monde de la pluralité, de la conflictualité. Sauf qu'à un moment donné, cette conflictualité devient intolérable à une partie de la classe dirigeante. Et c'est à ce moment-là que se construit l'idée d'une res publica, d'ailleurs distincte du peuple citoyen, d'une res publica comme puissance publique unitaire et fondée sur fondée sur une sorte d'adhésion, de consensus. Les historiens pensent que la res publica a toujours été fondée sur le consensus et qu'à la fin de la République, on a une crise du consensus. Eh bien, je renverse la question en disant non, le consensus est une construction à partir du IIe siècle avant notre ère qui va donner lieu justement à cette élaboration d'un espace public plus ou moins autonome, de plus en plus autonome, et ce qui explique pourquoi la notion de res publica se poursuit jusqu'à la fin de l'Antiquité, et pourquoi tous les empereurs romains se définissent comme ceux qui protègent la res publica ou qui sont la res publica, comme l'était déjà Auguste. Oui, ce qu'on a effectivement la plupart du temps oublié, parce qu'effectivement on pense qu'à partir du moment où s'impose l'Empire et l'Empereur, effectivement cette question de la res publica est abandonnée. Voilà. Mais non, ils s'y réfèrent tout le temps, et vous dites cette res publica, elle est constituée de parties très différentes. Il y a le Sénat, il y a les institutions plébéiennes, il y a les magistrats du peuple, il y a les assemblées du peuple, il y a les prêtres, les augures, les armées, les alliés, etc. Et tout ça, ça fait la res publica. Donc c'est cette variété à un moment qui peut-être va être réduite, formalisée. Voilà. Mais c'est effectivement extrêmement intéressant de s'apercevoir que cette res publica romaine est beaucoup plus riche que ce qu'on veut en dire généralement, Claudia Moati. Oui, parce que il est utile de formaliser, de conceptualiser à un moment donné pour retrouver une unité qui devient nécessaire quand on ne veut plus réformer ou quand on ne supporte plus le conflit. Donc cette unité, elle est ensuite conceptualisée. C'est la fameuse définition de Cicéron qui devient le concept qui l'emporte. Mais quand on dit la res publica chez Cicéron, la res publica est la chose du peuple. Le peuple, ce ne sont pas les citoyens pris dans leur sociologie, dans leur combat politique. C'est le peuple comme corporation, c'est le peuple comme cité. Et c'est ce sens-là qui va être ensuite repris sous l'Empire. Et qu'est-ce que ça change justement que de redonner cette variété, cette plasticité, ces formes et avatars d'une indétermination, dites-vous, Claudia Moati, par rapport à l'idée que l'on se fait habituellement de ce qu'était cette République romaine qui a un début, un milieu, une fin assez clairement, etc., et qui a une forme unitaire. Qu'est-ce que ça change justement que de redonner cette polyphonie, pourrait-on dire, autour de la question de la res publica? Ça change, comme je le disais, déjà dans l'histoire même de la République. C'est-à-dire, on comprend que cette notion de consensus que les historiens considèrent comme étant à la base des sociétés, cette notion de consensus est une construction. Ça change au sens aussi où, au lieu de travailler, comme le font la plupart des historiens, sur la culture politique des élites qui serait, au fond, ce qui le moteur principal du fonctionnement de la République romaine, eh bien, on voit au contraire qu'il y a non seulement une pluralité dans l'essence même de la République, dans la constitution même de la République, mais qu'il y a aussi des conflits de signification. C'est-à-dire que le travail de l'historien, il est là précisément, c'est retrouver dans les moments précis des événements du passé, dans la crise elle-même, dans les crises elles-mêmes, ces conflits de signification qui ne sont pas restés apparents nécessairement directement dans les sources, qu'il faut aller chercher précisément dans l'usage des mots, dans le sens des mots et dans la façon dont les acteurs se saisissent de ces mots. Alors on peut les retrouver en creux dans les sources, c'est tout un travail particulier qu'il faut faire, mais précisément en se disant que ces catégories-là ne sont en rien des catégories figées, substantialisées, essentialisées. Donc ça change grandement pour l'histoire romaine, premièrement, de travailler de cette façon-là, de retrouver la conflictualité ancienne, c'est-à-dire de repolitiser, au fond, la société romaine. Quel genre de cité était la République romaine? Eh bien, c'était une cité politique. Et cette cité politique a essayé, à la fin de la République, à partir du IIe siècle, de cacher son caractère politique en quelque sorte. Et les historiens qui ne travaillent que sur la culture politique de l'élite, au fond, sont victimes des sources. Alors ça change aussi au sens où cette notion de res publica qui a donné, évidemment ensuite, qui a produit notre idée de République, cette notion de res publica, elle est double. On voit bien qu'elle est double. Elle est soit une république du tumulte, soit une république ou qui devient la puissance publique unitaire. Et il est très intéressant de recreuser un peu, de retrouver ce germe de la res publica, de cet espace public qui est l'espace des citoyens. Cet espace de l'interaction des citoyens, comme disait Hannah Arendt, mais peut-être de manière moins optimiste qu'elle, un espace entre les citoyens. Mmh. Donc cette notion d'espace entre les citoyens a disparu, a été occultée par les sources de la fin de la République, et ce qui l'a emporté, c'est au fond cette idée d'unité de la puissance publique qui deviendra notre idée, une des idées de la République. Oui, et donc en particulier cette idée que c'est un régime politique. Vous dites que ça n'est pas un régime politique. En tout cas, cette question de la res publica, c'est autre chose. C'est une pensée politique qui se cristallise dans des formes différentes à différents moments de l'histoire romaine. Et donc cette histoire politique, cette vision de la politique, on a voulu la réduire, mais il faut toujours lui redonner ce chatoiement de la variété. Ce que j'appelle en fait une catégorie kénotique. Kénotique, alors c'est-à-dire là... du grec kénos, oui, qui veut dire vide, c'est-à-dire une catégorie vide en elle-même, elle n'est pas prédéterminée. Si je dis une table, par exemple, je me réfère à quelque chose de précis, mais res publica ne se réfère à rien, originellement, en tout cas dans la langue latine même. Une chose, c'est précisément la notion de chose, ça ne se réfère à rien d'extérieur à soi-même. Vous voulez dire que c'était un peu la toile de cinéma que l'on tend et sur laquelle on peut projeter à peu près ce que l'on souhaite à un moment donné. Je citerai plutôt César, si vous voulez bien, qui disait que la res publica n'était qu'un mot, une appellatio, sans forme ni espèce, c'est-à-dire sans forme ni apparence. C'est-à-dire, au fond, elle est un mot. En fait. Il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Elle n'est qu'un mot auquel on donne la signification qu'on veut. Merci beaucoup, Claudia Moati. Je rappelle que vous êtes venue dans cette Fabrique de l'Histoire en deuxième partie pour évoquer deux ouvrages. L'un collectif que vous avez co-dirigé avec Michel Rio-Sarcé. Donc, pourquoi se référer au passé, aux éditions de l'Atelier, qui est sorti en tout début d'année. Et puis, ce livre que vous avez écrit, évidemment, seul, Res Publica, Histoire romaine de la chose publique, dans la collection Ouverture chez Fayard. Ça vient tout juste de sortir. Vous avez appris quelques petites choses, en l'occurrence, Joseph Zimet, justement, sur cette question de la commémoration de la chose publique et de la République que vous servez à la mission du centenaire. J'ai beaucoup aimé le binôme de la République du tumulte et la République inter, parce que c'est le chant aussi de la commémoration, à la croisée de la fabrique de l'unité, et c'est un chant tout à fait agonistique dont nous devons dégager toutefois une synthèse, et donc j'aime beaucoup votre formule, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, Joseph Zimet, d'être venu pour parler de cette mission du centenaire dont vous êtes le directeur général, mais il est le temps justement de revenir à la République dans ses premiers jours, pourrait-on dire. C'est le 4 août 1789, la nuit du 4 août telle qu'elle a été racontée dans la Gazette Nationale au lendemain de cette nuit du 4 août. Nous sommes en 1789 et Zanuppi nous lit avec cette rubrique « C'était à la une », un extrait de ce journal. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain, en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. La Gazette nationale ou le Moniteur universel. Séance de la nuit du mardi 4 août 1789. Cette séance n'était indiquée que pour lire la déclaration arrêtée la veille et pour calmer l'agitation et les troubles des provinces. On a commencé par donner lecture de cette déclaration, mais elle était bien incorrecte. On n'y faisait pas mention des sacrifices que la noblesse était dans l'intention de faire. Elle ne parlait pas de la réforme que le clergé se proposait de faire. Elle n'annonçait enfin rien de ces grands objets qui intéressent et frappent la nation. L'Assemblée sentait bien tous ces inconvénients. Les peuples, disait-on, souffrent, se plaignent et gémissent. Ils nous ont fait des demandes, nous sommes chargés de les exécuter. N'aurons-nous donc que des délais à apporter à leur empressement? Ne leur laisserons-nous entrevoir que des secours lorsque les circonstances nous commandent impérieusement de leur en donner au moment même? Ces idées se sont bientôt répandues dans tous les ordres, ont fermenté dans tous les cœurs, et tout à coup, se dépouillant du vieil homme, chaque citoyen,